cours numéro 17. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Akhadna fi darsina al-akhir, la première règle concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aïe, on a commencé la lecture du troisième chapitre. Fama hiya hadhihi al-qa'ida. Tafadhal. نثبت اسماء الله وصفاته إلا عن طريق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم أحسنت. نثبت من الأسماء والصفات ما جاء في القرآن والسنة الصحيحة. من يزيد؟ تفضل. كذلك ننفي ما نفذ عز وجل عن نفسه وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسنت. وهكذا النفي، فما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه فننفيه، وما نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك. Donc on accepte et on affirme tous les attributs que Allah سبحانه وتعالى il a cité في القرآن et le prophète صلى الله عليه وسلم dans la sunna، et كذلك on rejette tous les attributs que Allah subhanahu wa ta'ala nafa an nafsihi, on a dit dans le Coran ou le prophète alayhi salatu wasalam dans la sunna. Wa hadha wa lillahi alhamd taqaddama ma'ana kathiran. Man yudhif shay'an tafaddal. Wa ma sukita anhu natawaqqaf fi lafdhihi wa amma al-ma'na fa in urida bihi ma'na al-batil ya'ni nafayna 'an Allah subhanahu wa ta'ala tilka as-sifat. وإن أريد به معنى صحيحة قلنا المعنى الصحيحة. نعم. ولكن لا نثبت اللفظ هنا كما جاء في الكتاب والسنة ما يغني عن هذه الألفاظ. أحسنت. فمثلا لفظ الجهة يعني تحتمل حقا وتحتمل باطلا. ومثلا يعني جاء العلو يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله. فيغني عن هذا اللفظ الجهة. أما ما سكت عنه وبعض الألفاظ. On n'a pas d'adilla fil Qur'an ou fil sunna, que ce soit pour l'isbat ou pour l'nafi, pour affirmer ou pour nier, pour rejeter. Fa, comme a dit l'akh, l'ulama huna, al-lafd, c'est une chose, al-lafd, la nuthbituhu ala kulli hal, limadha, lianna, on n'a pas d'adil fil Qur'an ou fil sunna, et le mot lui-même, mathalan, l'afd al-jiha, la direction. Hada, on n'a pas d'adilla, lakin le sens, fa la bud min tafsil. لماذا لابد من تفصيل؟ لأن ربما شخص à cause de son ignorance il pense que هذا اللفظ il est ثابت et هذا اللفظ bien sûr il renferme un sens, une معنى. فsi tu fais pas de tafsil et tu lui dis là هذا c'est باطل et c'est pas dans le Coran ou le Sunna, il va comprendre l'offre et le معنى. Et si ce lofd pour lui ça impliquait un sens correct, ربما il va croire que حتى le sens, il n'a pas le droit de croire en ce sens. Et هذا كما مر معنا. فمثلا لفظ الجهة, si lui pense que الجهة, la direction, c'est le معنى أن الله سبحانه وتعالى il est au-dessus de ses créatures, فلا شك أن المعنى il est حق. On a dit أدلة من القرآن ومن السنة. فبهذا الحال تفصل. Tu lui montres أن اللفظ, on n'a pas besoin de هذا اللفظ, et المعنى il est صحيح, et tu utilises في هذا الحال لفظ العلو. والاستواء وأن الله سبحانه وتعالى سل أعلى سل علي إلى آخره. فهذا إذا المعنى إلي باطل فتلو مونتخنا اللفظ إلي بس صحيح المعنى إلي باطل والحمد لله. بقي بخسيزيون ما هي تذكرون ما أدري إذا كن لافت. نعم لافت. عندما تفضل هي صحيحة. نعم هذا نعم هذا طيب, لكن أقصد شيئا آخر. نعم أما السنة فلا بد من قيدها هنا, من تقييدها بالصحيحة. فطيب هذا فهذا على ست كثيرا. شيء آخر تفضل. فمثلا الجهة فلا نثبت لله من الأسماء من الصفات في صفاته لأن فيه نقص. الجهة ça dépend على التفصيل. Si c'est du كمال فنثبت le sens et on rejette le lob et on aura un autre lob qui le remplacera, et si c'est du نقص فسي du نقص. هذا تقدم لا شيء آخر. تذكرون ها أخي تفضل لا يتضمن هذا اللفظ نقص وإلا نفيناه أحسنت أما إذا كان هذا اللفظ c'est du نقص ففي هذا الحال on dit pas là on doit فصل في المعنى لا c'est du نقص c'est du نقص عيادا بالله واحد il demande sur un لفظ qui renferme un sens mauvais une imperfection un défaut quelque chose de pas bien ففي هذا الحال الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن النقائص والعيوب كلها ولله المثل الأعلى أي الوصف الأكمل الأعظم donc ça implique الأوصاف الناقصة لا نثبتها لله على كل حال هذا c'est dans un lord cette règle c'est dans un lord où قد يحتمل كمالا ويحتمل نقصا pour savoir il faut un تفصيل في المعنى كما تقدم أما un mot qu'on n'a pas dans le Coran et qu'on n'a pas dans le Sunnah لكن سأمبليك نقص في هذا الحال هذا إن شاء الله واضح مثلا tout ce qui est lié aux impuretés les impuretés c'est quelque chose de mauvais il n'y a pas de kamal dans une impureté et هنا il ne faut pas mélanger entre le kamal et le hikma c'est autre chose مثلا الله سبحانه وتعالى c'est lui qui a créé ces impuretés là chacun a une hikma parmi les hikam ça nous permet de nous purifier le fait de se purifier tu as une énorme récompense on ne parle pas de hikam là on parle de le kamal أما النجاسة هي بعد كمال فيها ففي هذا الحال فلا لا نقول في هذا الحال on a pas de dalil في القرآن on a pas de dalil في السنة فنسكت on attend التفصيل لا هي بعد التفصيل في هذا في النجاسة tu trouveras pas un تفصيل من حيث الكمال والنقص c'est quelque chose de خبيث فننفيه على كل حال فهذا c'est un تنبيه important que Cheikh Ibn Uthaymeen رحمة الله عليه il a cité في الشرح qu'on avait cité ensemble dans le درس précédent هذه القاعدة تقدمت معنا كثيرا Cheikh Al-Uthaymeen, il a cité هنا لماذا لأن il a classé son livre en quatre chapitres et les trois premiers directs dans les noms, directs dans les attributs et directs dans les noms et dans les attributs. Là, je sais que, مثلا, la règle في التوقيف في الإثبات, ça reviendra. Ça reviendra في الأسماء, نثبت, في الصفات, نثبت, et في الأسماء والصفات, نثبت. فلهذا, Cheikh Al-Uthaymeen, il répète à chaque fois, لكن, vous avez remarqué qu'il ajoute des choses par rapport au thème est-ce que c'est un nom, un attribut ou les deux هذا c'est مفهوم on passe à la règle suivante بإذن الله عز وجل قال رحمه الله القاعدة الثانية الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها ودليل ذلك السمع والعقل هذه القاعدة من أنفع القواعد في هذا الباب et à partir de هنا à partir de cette règle la deuxième la troisième la quatrième et le dernier فصل c'est des ردود على المنحرفين في هذا الباب ces règles elles sont très très importantes et في الحقيقة ces règles tu vas mettre en application dans la deuxième, la troisième et la quatrième règle, tu vas mettre en application beaucoup ce qu'on a vu ensemble auparavant. Enfin, le tertib, il est muhim. Cheikh Ibn Uthaymeen l'a cité, ces règles à la fin, les manadal, il y en a, tu peux les comprendre le un, avec l'explication des règles précédentes. هذه القاعدة قال رحمه الله الواجب أي على جميع المؤمنين c'est une obligation في نصوص القرآن والسنة النصوص جمع نص والنص c'est un texte إما un verset du Coran إما un hadith صحيح du prophète صلى الله عليه وسلم إجراؤها على ظاهرها ça c'est الواجب on doit avoir cette approche avec les textes إجراؤها على ظاهرها قال دون تحريف sans faire de تحريف donc on doit faire une chose et on doit s'écarter d'une autre تقدم معنا dans une règle أن في الإثبات Cheikh Ibn Uthaymeen رحمه الله il avait expliqué أن الواجب c'est l'إثبات et on doit faire attention à deux choses التكييف والتمثيل ولله الحمد on avait lu la règle de Cheikh Ibn Uthaymeen رحمه الله et on avait simplifié et expliqué ensemble هنا يحذر رحمة الله عليه d'une troisième chose التحريف Donc tu as al-zahir et tu as al-tahrif. أي بعضهم يلابل التأويل، لكن الصحيح هنا سيلابل التحريف. الظاهر سلو التكست تشلو لس كملة. قال عز وجل بل يداه مبسوطتان، فقوله يداه en arabe c'est un lof, tu comprends deux mains, yada, muthanna. Ça montre la dualité, il y a deux choses, deux mains. Lillahi azza wa jal. Hada c'est le zahir. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il a cité autre chose que les mains? La qalbal yada mabsoutatan. C'est quoi qui est mabsout, c'est ces deux mains, azza wa jal. Fal wajib alayna jami'an, c'est chaque texte qu'on a fait le sifat ou fait l'asma. Fa l'wajib alayna jami'an, c'est ijra'uha ala zahiriha. Ijra'uha ay tu l'illes ala zahir. Tu'min kama ja'a nus. Sans faire de tahrif. Limada li anna tahrif, c'est la chose qui va contredire al zahir. Fa mathalan al zahir fi qawlihi azza wa jal wa yabqa wajhu rabbik ou bal yadah mabsoutatan. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا. الظاهر c'est quoi? C'est Allah il a deux mains. Allah سبحانه وتعالى dans l'autre verset قال أنه il a un وجه. Et dans le hadith le prophète عليه الصلاة والسلام il a informé أن الله ينزل. Ça c'est ظاهر. Et c'est l'apparent. Le texte tu as هذا. Quelques lettres ça donne un mot. Plusieurs mots ça donne un texte. Et le texte tu le comprends. Avec tout ça en langue arabe. C'est ça الظاهر. في هذا الحال بعض الناس كيس كيفون يفون دو تحريف أي ديفورم. فلهذا قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله دون تحريف. التحريف سي كوا؟ سي لو فيت ديكسبليكي افيك ان سونس. اولا يا فضلي من القران ومن السنه. ثانيا السلف والعلماء علماء السنه علماء الحق ils n'ont jamais fait cette explication. Forcément, ça sera du tahrif, ça sera une déformation. C'est pour ça que c'est mieux de l'appeler tahrif que ta'wil. Léana ta'wil, ça peut être positif, ça peut être quelque chose de tayyib. Ta'wil, dans la langue arabe, ahyanan, il l'utilise l'ulama, bima'na al-tafsir. Ibn Jarir, l'imam, rahimahullah, al-Tabari, rahimahullah, dans son tafsir, kathiran yaqul, wa ta'wilu l'aya, et tafsiru l'aya. أما التحريف سنيجاتيف في كل الكا اسم من صفات اليهود أخزهم الله يحرفون الكلم أي التكست عن مواضعه صاصة من صفات اليهود أنهم يدفعهم عيدا بالله. فنحن في هذا الباب الواجب علينا سيكون كخوا ونفهم لصفة كما لسيتي في التكست والحذر في هذا الباب من التكلف. لأن في الحقيقة la cause principale كما تقدم معنا كثيرا dans cette رسالة la cause principale pour laquelle الممثلة والمعطلة والمحرفة et c'est des معطلة في الحقيقة et سيأتي معنا كذلك المفوضة ces quatre groupes qui se sont égarés في هذا الباب العظيم ils se sont égarés لماذا؟ لأنهم ils n'ont pas compris cette règle. Ou ils l'ont comprise et ils l'ont délaissée à cause des passions, ayyadam billah. Fahum, quand ils ont lu Qawlullah Azza wa Jal, bal yadahu mabsoutatan, ils ont compris que Zahir s'impliquait à Tamthil. Bal yadahu mabsoutatan. Ils ont compris demain comme on a nous, demain. Fahum, ils ont fait du Tamthil, ayyadam billah, ils ont dit Allah il a des mains comme les nôtres, vu qu'il a dit des mains. Ils se sont égarés, al-mumathila, ceux qui font ressembler Allah à la créature. وَعَدُهُمْ ils ont complètement rejeté. Ils ont dit c'est impossible, donc Allah il n'a pas de main. عِيَدًا بِاللَّهِ. Un autre groupe, ils ont essayé de ne pas aller avec الْمُمَثِّلَ ni avec الْمُعَطِّلَ. Ils ont dit نعم, Allah il a des mains, لكن le sens ça veut dire telle chose. هؤلاء, ils n'ont pas gardé الظاهرة, l'apparence du texte, le texte apparent plutôt. Ils ont voulu expliquer à leur manière, ils se sont égarés. Un quatrième groupe est Inch'Allah dans la règle suivante. Al-Mufawwidha qalu, on ne sait pas ça veut dire quoi. Pour s'écarter de tous, pour ne pas faire de tamthil, pas faire de ta'til, pas faire de tahrif, ماذا قالوا? قالوا Allahu A'lam. Bal yadahu, on ne sait pas c'est quoi. Est-ce que c'est des mains? Est-ce que c'est un visage? Est-ce que c'est la force? Est-ce que c'est le rahma? Ils disent Allahu a'lam. Pour eux, il n'y a aucune différence. Ils ignorent complètement le sens. Ils se sont égarés. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, il a cité cette règle. Min bab al-rad ala ha'oula. Et il a spécifié le tahrif. Limadha li anna al-muharriba, ils changent al-dahir. Et leur fitna, elle est beaucoup plus grande que les autres. Limadha li anna rubbama al-jahil, ils pensent qu'ils acceptent al-sifa. Mathalan, al-ja'ira al-muharriba, yaqulu na'am, Allah il a des mains, lakin, c'est pas des mains comme les créatures. Tout ça c'est haq, Allah il a des mains, lakin c'est pas des mains comme les créatures. Thumma ya'tun bi al-shubha bil-inhira. Ils disent, les mains, en fait, c'est la force, en fait, c'est la ni'ma, en fait, c'est la puissance, en fait. Et fait le haqiqa, ils ont délaissé le texte apparent. Hada khulasat hadhihi al-qa'ida. Et si tu as compris, hadhihi al-qa'ida, akhi al-karim, ça va t'ouvrir de nombreuses portes pour comprendre hadha al-bab al-azim, le chapitre des noms et des attributs et ceux qui se sont égarés dans ce sujet. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah. Ou qabla dhalik, on fait une précision. Anna qawluhu rahimahullah ala zahiriha. Donc à zahir, c'est, je laisse le texte comme il est. Des mains, c'est des mains. Allah il descend, Allah il descend. C'est ça zahir. Cheikh Ibn Uthaymeen, dans son charh, il a fait une précision. Qala zahiru nusus fi asma'illah wa sifatihi. Qala zahiruha al-ma'na al-la'iqu billah. Et ça, c'est très, très important. Et là, si on revient à ce qu'on vient de dire, et la cause de l'égarement de tous les groupes fi hadha al-bab, ils ont pensé que Zahir, ça impliquait At-Tamthil. Mathalan, Allah subhanahu wa ta'ala, il descend. Pour le fait de dire Allah, il descend, pourtant on a un texte. La parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Inna rabbana, ou qala rabbuna yanzil, Allah, il descend. Donc, on applique la règle, on dit Allah, il descend. Hum, ils ont compris que Zahir, ça impliquait Tamthil. Ils se sont égarés. Comme tu as dit. Cheikh Ibn Uthaymeen, dans son charh, plutôt, il a fait une précision. Il Zahir al-Nusus. Et c'est quoi l'apparence du texte? Et Zahiruhu, tu le laisses comme il est. Il dit, rahimahullah, Zahiruha al-ma'na al-la'iqu billah. Et le sens que tu vas comprendre, min hadha al-Zahir. لأن سيأتي معنا الكلام sur le sens dans la prochaine règle et c'est très très important. لأن هذا الظاهر, ce texte, il a un sens. Ça veut dire quoi? أن الله سبحانه وتعالى il descend. Je sais que ça a un sens et on connaît, on sait c'est quoi descendre. Est-ce que descendre c'est monter? Là. Est-ce que descendre c'est faire miséricorde? Là. Descendre c'est descendre. Là qui ne comprend pas descendre comme ils descendent les créatures. فلهذا قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله فظاهر النص سي كوا سي المعنى اللائق بالله اي ce sens apparent s'il est lié à Allah subhanahu wa ta'ala il aura un sens qui sera pas comme celui des créatures. مثلا Allah subhanahu wa ta'ala il a des mains. طيب nous on a des mains. Nos mains à nous, si je dis مثلا Muhammad il a deux mains, tu comprends des mains d'être humain. En général, avec cinq doigts, avec de la peau, avec du sang, avec des os, il a akhir. C'est ça le ma'na. Et c'est ça le zahir. Est-ce qu'on va dire Mohammed, il a deux mains? En fait, les deux mains, ça veut dire telle chose. Là, il a deux mains, c'est deux mains d'être humain. On dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux mains. C'est quoi le zahir? Huna, c'est pas comme les mains de la créature. Les mains, là, on a dit Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, fait le Coran, qu'il n'y a pas de l'aïsa. Donc, automatiquement, tu élimines le sens qui est identique à la créature. Alhamdulillah, intahina. Il reste aslu al-ma'na. Aslu al-ma'na. Et c'est des vraies mains. C'est-à-dire pour le qa'il, mais si c'est des vraies mains, pourquoi vous dites que c'est pas comme les mains des créatures? Ou pourquoi vous dites que c'est pas comme des mains de l'être humain? Mal jawab, wa taqaddam. Et huna ala shubha. Ouais, il va dire, vous dites qu'on laisse les textes à l'abwahir et on connaît le sens. Pourquoi vous dites que ce n'est pas comme des mains des créatures? Fais mal le jawab. Tadda. Taqaddam, zid. Hada shay'un akhar, c'est fil kayfiyya. Nahnu on est fil ma'na. Tadda. L'ishtirak fil lafz ghayr al-wujh, l'ishtirak fil ma'na. Ahsan, taqaddam ma'ana. Anna Le fait d'entendre un lafz, ça ne veut pas dire forcément qu'il est comme l'autre. Est-ce que quand on dit la fourmi, elle a de la force, est-ce que tu comprends elle a la force comme d'un lion ou d'un éléphant? Tu ne comprends pas. Celui qui comprend Hada, il va être taxé, il va être accusé de Majnoun. Pourtant, c'est deux créatures. فَفِي هَذَا الْحَالِ الْقُوَّةُ قُوَّةُ النَّمْلَةُ La force de la fourmi, tu vas comprendre la force à la ظاهرة. Est-ce que la force, on a, ça veut dire les mains? Là, la force d'une fourmi, elle peut porter telle charge, elle peut se déplacer. Bon, il m'a là de la force. Tu vas comprendre la force par rapport à la fourmi. Enfin, ça sera une force très faible. Lakin, ça s'appelle quand même de la force. قُوَّةُ الْجَمَلِ Tu vas comprendre الْقُوَّةُ, la force. Est-ce que tu vas comprendre? Wahed, il va dire, lakin, ce chameau, il a de la force, lakin, il peut porter que 1 gramme, comme une fourmi. On va lui dire, limada, il va dire, liana, j'ai compris de la force comme la fourmi. Personne ne va le croire. Il va être taxé, kadalik, de quelqu'un qui a du mal. Quelqu'un qui est naqis, fi aqli. Donc, vous avez remarqué que le quwwa, la force, dès que c'est le chameau, on a une compréhension. Dès que c'est la fourmi, on a une compréhension. Lakin, asl al-ma'na, enfin, la force, c'est la force, c'est pas des mains, c'est pas Ar-Rahman, c'est vraiment de la force. Al-Asl, c'est le même. Lakin Al-Haqiqa, c'est pas la même chose. Quand on dit Allah, il a deux mains, est-ce que ça implique que ça qu'il ressemble aux mains des êtres humains? C'est batil hada min wujuh. Et on les a cités plusieurs fois, et on peut rajouter ici, Anna'a'ula limada, ils disent pas que les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala ressemblent à une autre créature que les êtres humains. Pourquoi ils disent des êtres humains? Pourquoi ils disent pas une autre créature? Ça montre à Adam al-Hakira qu'ils sont à la bâtelle et vu qu'ils ont l'habitude, quand ils entendent des mains, et on a tous cette habitude. En général, quand on parle de mains, on pense à l'être humain. Quand on parle de visage, on pense à l'être humain. Quand on parle de force, ça dépend. Force, c'est un love, il est beaucoup plus employé. Force de quoi? De qui? Si haqqillahi azza wa jal, tout ça tu le mets de côté, elle ma'na, tu le comprends comme il est, et si cette ma'na, وضيفت إلى الله سبحانه وتعالى فالمعنى إلى لائق بالله إسأ معنى parfait toutes les règles qu'on a vues auparavant. هذا قول شيخ ابن عثيمين رحمه الله ظاهر النصوص أسماء الله وصفاته اللائق بالله عز وجل. شيخ ابن عثيمين رحمه الله dans son شرح que j'ai pas noté ici, il a donné un exemple طيب. Il a cité l'exemple ما أحد إلى le شرح لا ليس هذا الآخر لا personne لا سهل. شيخ ابن عثيمين a donné un مثال أن les verres, les tasses plutôt en français, elles ont une petite poignée en forme d'oreille. Madri, comment ils appellent en français? Ah, là, ça. Comme en forme d'oreille. Ah, il y a une petite poignée pour porter. En arabe, ils appellent ça yed. En arabe, pardon, ils appellent ça yed. Fachir al-Uzimi, il dit, si wahed, il dit, yed Muhammad, ma'a yed al-kas. Ou tamsik yed al-kas. Est-ce que quelqu'un va comprendre que la main de Mohammed, elle tient la main du verre, et le verre, il a une main? Ça, c'est un mythal tayyib. Pour montrer que la main, c'est une main avec 5 doigts, avec de la chair, avec du sang, avec des os. Si tu dis, yadul kas, elle casse plutôt, on sait que c'est la petite poignée en forme d'oreille par laquelle tu prends la tasse. Personne ne va dire une main avec 5 doigts. فلماذا في حق الله سبحانه وتعالى يسر رب et Allah subhanahu wa ta'ala il est avant la créature. Allah subhanahu wa ta'ala il avait des mains alors que l'être humain il n'était pas encore créé. فلماذا cette comparaison باطله عقلا وشرعا. Quand on dit Allah il a des mains, ne pas comprendre. Lakin, vous êtes déjà posé limada كثير من الناس, ils ont cette approche directement. Parle avec un ami مثلا كثير منهم, ils ont cette approche directement. فلهذا مذهب الاشاعره انتشر فيهم. Pourquoi? Les anna akthar al-nas à notre époque, ils n'ont pas été éduqués, élevés à l'aqidat al-salaf fi hadha al-bab wa fi ghayrih. Amma al-salaf, ils n'avaient pas cette approche. Depuis qu'ils sont petits, ils ont étudié l'aqidah, on leur a enseigné l'aqidah, ils ont compris le Coran avec la langue arabe, ils n'ont jamais pensé à ça. Fali hadha al-madhhab al-ash'ari, il n'existait pas à l'époque des salaf. C'est venu après. À l'époque des sahaba, à l'époque des tabi'un, il a akhiri, c'était aqidat al-salaf. Madhhab al-ash'ari, il est venu après. Il s'est installé, il s'est répandu. Quand les gens ils ont commencé à faire passer la raison avant les textes. Celui qui fait passer la raison avant les textes, madhab al-Asha'ira, ça va être al-haq pour lui, iyadam billah. Celui qui fait passer les textes avant la raison, très simplement, il comprendra. Maintenant, avec cette risala de Cheikh ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi. Ah, là, c'est un tambih مهم. قال شيخ العثيمين وفي نسون كلام من الشرح لأن هذه الصفة أضيفت إلى موصوفها فيقتضي أن تكون لائقة به. Et ça c'est مهم. C'est مهم de ne pas s'habituer à Yadam Billah de faire la comparaison. Entre êtres humains comparés, rien ne se partage. Les êtres humains sont différents dans certaines choses. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est très très grave. Donc cette comparaison, on récapitule, c'est ce qui a poussé Al-Ash'ari à faire du tahrif. Tahrif, ça veut dire déformer les textes. C'est ce qui a poussé Al-Mumathila à Yadam Billah à faire ressembler Allah avec la créature. Ils ont accepté cette comparaison. C'est ce qui a poussé Al-Jahmiya ou Al-Mu'tazila à rejeter ce fait. Ils ont dit là, si on dit qu'Allah il a des mains, ça veut dire qu'il ressemble à la créature. Allah il ressemble pas à la créature. Ils ont dit Allah il a pas de mains. Tous les égarements ils sont fondés sur هذا. أفهم هذه القاعدة بإذن الله عز وجل ستنفعك. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله. دوك انتهينا من كلامه في الشرح. ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نعم قوله لعلكم تعقلون أي تفهمون. لعلكم تعقلون أي تفهمون. لماذا شيخ ابن عثيمين لا سيتي سي فيرسي؟ Vous avez remarqué que dans tous les versets, أن الله عز وجل il a révélé هذا القرآن بالعربية. Et bilisanin arabiyin mubin. Langue arabe, et cette langue arabe elle est claire. Mubin. Ça vient du mot bayan, quelque chose de clair. Dans le deuxième verset, Qur'anan arabiyin. La'allakum ta'qilun. Et ce Qur'an est en langue arabe pour que vous compreniez. La'allakum ta'qilun et tafhamun. Et le troisième verset, la même chose. Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyin. La'allakum ta'qilun. قال شيخ ابن عثيمين وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره بلسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي. Donc tu as cette règle أن هذا القرآن tu le comprends avec la langue arabe. لماذا؟ لأن الله عز وجل il a révélé ce Coran avec la langue arabe pour qu'on le comprenne. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala il nous a informé qu'il a des mains, on sait c'est quoi des mains en langue arabe. Allah subhanahu wa ta'ala il a des mains. Mais nous, on connaît les mains des êtres humains. Awalan, tu ne connais pas que les mains des êtres humains. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala قال أنه il a des mains. Et en même temps, il t'a montré qu'il ne ressemble pas à la créature. La conclusion, tu dis qu'Allah il a des mains, des vraies mains. Lakin, comment elles sont, Allahu a'lam. Est-ce qu'elles ressemblent aux mains des créatures? Abadan. Et tu t'arrêtes ici. Et tu es à la aqidat al-salaf bi'idnillah azza wa jal. قال rahimahullah. إلا أن يمنع منه دليل شرعي. Tu peux avoir une exception. Pas dans les sifat. Dans les sifat, il n'y a aucune exception. Toutes les sifat, tu les comprends avec la langue arabe sans faire de tamthil. Et tu t'arrêtes là. Et on détaillera akthar dans la règle suivante, inshallah. Il y en a sept règles pour la comprendre. L'introduction qu'on a faite pour vous, pour donner un aperçu, c'est l'explication de la troisième. Lakin, c'était volontaire. Les anas, c'est lié. Et inshallah, si on a le temps, on commencera la lecture de la troisième règle. On revient هنا pour expliquer قوله رحمه الله إلا أن يمنع منه دليل شرعي. Donc on a dit الصفات n'a pas d'exception. على ظاهرها, le texte comme il est, on le comprend en langue arabe sans faire de tamthil et on s'arrête là. Allah il a des vraies mains, il a un visage, il descend et on ne connaît pas le comment كما تقدم et ça ressemble en rien aux créatures. قوله إلا أن يمنع منه دليل شرعي. هذا ça arrive dans des textes أن tu as un mot. Il a un sens linguistique, ou littéral, littéralement tu le comprends, hakada, et il a un sens shar'i. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, dans son sharh, il a donné un mythal avec as-salah. As-salah, l'ouratan, c'est ad-du'a. As-salah, l'ouratan, c'est ad-du'a. Et as-salah shar'an, dans notre din, c'est une ibadah qui commence par takbir et qui se termine par taslim. Des aqwal, des af'al, une niya bien sûr, avec une façon bien précise. La salat, que walillahi alhamd, on fait 5 fois par jour les obligations. Ahyanan dans le Coran, tu as des versets en salat, tu vas les comprendre avec le ma'na shar'i. Ahyanan en salat, tu vas comprendre avec le ma'na lughawi. Maintenant, le qawlu azza wa jalla wa qimu salat, Et قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات خمس صلوات في اليوم والليلة et cinq salat obligatoire, on ne va pas comprendre cinq fois dua. Pourtant, c'est un sens dans la langue arabe. Lakin, ce n'est pas le mourad, bil-ittifaq. Et personne ne comprend هذا والله الحمد من المسلمين. قوله عز وجل في الصلاة لغة ولا تجهر بصلاتك إن الله وملائكته يصلون على النبي. Le verset qu'il a cité في هذا الحال tu vas jamais comprendre أن الله سبحانه وتعالى والملائكة يفون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم une صلاة ذات ركوع والسجود إلى آخره. معاذ الله. Ça c'est une ibada, et l'ibada c'est un haq lillah azza wa jal. On ne peut pas faire une ibada pour le prophète عليه الصلاة والسلام. في هذا الحال tu as ما يمنع شرعا de comprendre الصلاة avec ركوع والسجود. نعم إن الله وملائكته يصلون على النبي. في هذا الحال tu comprends أن الصلاة c'est الدعاء. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. فقوله صلوا عليه. Est-ce qu'on va faire الصلاة pour النبي صلى الله عليه وسلم؟ Et on va se mettre debout, on va rester le Fatiha, recours et sujoud, et dès qu'on va aller devant sa tombe, on va faire salat pour lui, on va se mettre dans un endroit et nier à cette faire salat pour lui, on va faire sujoud, ça c'est du shirk. Celui qui fait ça, il sort de l'islam. La shaka anna al-ma'na al-salat, on a c'est ad-du'a. Tu dis, Allahumma salli ala nabiyina Muhammad, c'est un du'a. C'est pas al-salat d'être recours ou sujoud. Là, c'est mujarrad un exemple pour montrer la différence entre al-ma'na al-lughawiyya ou al-ma'na al-shar'iyya. أما في الصفات فيا باسكا دونك الحمد لله tu appliques la règle على الظاهر الله il a des mains il a un visage il descend il a آخر قال رحمه الله وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس على الإيمان فقال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Ce verset, ça montre beaucoup de sifat de l'Yahoud. Et parmi ces sifat, عيدن بالله التحريف يحرفون. كذلك من صفاتهم العناد والكبر. قال عز وجل من بعد ما عقلوه. Et كذلك هذا فائدة عظيمة pour nous أن العلم ça suffit pas. ما عقلوه أي علموه. أو je fais attention de ne pas basculer dans le verset d'après. Non, ma'aqalouh, plutôt c'est le premier verset. Ça nous montre que l'ilm, ça ne suffit pas. L'annahum a'aqalouh hadha al-kalam, mais ils l'ont compris, ils avaient du ilm sur que c'était le haq. Lakin kibru wa inad. Ala kulli hal, insan, il fait attention an yatashabbah bihaoula. Wa min at-tashabbah bihaoula, c'est le fait de harraf al-Qur'an. Ou certains versets du Qur'an, comme ils ont fait al-muharrifa. Qala wa qala ta'ala من الذين هادوا أي اليهود يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا كذلك عيدا بالله صاص من أوصاف اليهود سمعنا وعصينا سمعنا أي ils ont entendu هذا السمع il est fondé sur le فهم il est fondé sur le فهم dès qu'il dit سمعنا c'est comme قول عقلوه قوله عز وجل ما بعد ما عقلوه ça nous montre أنهم كانوا يفهمون إذا بدوا علم لكن عيدا بالله انحرفوا بعناد وكبر ويقولون سمعنا وعصينا أي ils ont entendu ils ont compris لكن عصينا لكن on désobéit بعناد عيدا بالله فلهذا الله سبحانه وتعالى غضب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين المغضوب عليهم c'est اليهود ومن تشبه باليهود عيدا بالله فعلى كل حال أن التحريف c'est pas من السبيل المؤمنين الصالحين c'est pas من طريقة السلف أبدا قوم ابتدعوا سد بدعة ils ont ressemblé à اليهود في هذا الوصف عيدا بالله قال وأما العقل donc les textes ils sont clairs qu'on n'a pas le droit de faire de tahrif de déformer وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره وقد خاطبنا أي الله سبحانه وتعالى donc العقل la raison. Même si on n'a pas un délil clair, maintenant tu n'arrives pas à citer à quelqu'un un délil clair pour que les textes, on doit les laisser à al-zahir. Ne pas faire de déformation. Allah, il a dit, il a des mains, on dit, il a des mains. Si tu n'as pas de texte, هذه الدلالة بالعقل, elle est نافعة. لأن المتكلم بهذه النصوص, c'est Allah سبحانه وتعالى. Aïe, le Coran. Et كذلك, le prophète, عليه الصلاة والسلام, il a cité des ahadith. Et ces ahadith, c'est la révélation minallah. Qala, a'lam bi muradihi min ghayri. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît ses sifat mieux que les autres. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il est a'lam billah min ghayrihi, min al-bashar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui connaît le mieux Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a informé qu'il a des mains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé qu'il a des mains. Tilka yadehi yamin, tilka yadehi na'am yamin. Les deux mains d'Allah, c'est des mains droites. Tu trouves wahed, ka annahu il sait mieux, il dit là, c'est pas des mains. Ayyadam billah. Falihada qala wa qad khatabana. Allah subhanahu wa ta'ala, bil lissan al-arabi al-mubin. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé hada al-Qur'an bil. Al-Lughatil Arabi, il y a une langue claire. Et, wallahi alhamd, al-Arab, ils ont compris ce Coran avec cette langue. Et dans ce Coran, il y a beaucoup de textes sur sifat, on comprend avec la langue arabe. Sans faire de tamthil, comme on va voir, inshallah, dans la règle suivante. Qala fawajaba qabulu ala zahirihi wa illa l'akhtalafat al-ara wa tafarraqat al-umma. Et c'est ce qui a causé là une énorme division fil umma fi hadha al-bab. لأن يرحمك الله لأن الأشاعرة ils ont déformé entre اختلفوا. Certains ils ont dit l'explication des mains c'est telle chose, un autre il est venu il a dit une autre chose, un troisième il est venu il a répliqué sur les deux premiers, ça a fait une énorme division. ثم المعتزلة كذلك, ça a fait un autre groupe, la division, ils ont dit là Allah il a pas de main. ثم الجهمية ثم الممثلة ثم عيادا بالله, beaucoup de groupes في هذا الباب. Pourquoi? Les annaf al-haqiqa, on a un Coran. Si on est tous des croyants, on a tous le même livre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Rabbul Jami'a. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est Rasul al-Jami'a. Enfin, on serait resté sur cette règle. Dans ce point, on serait pas divisé. Comme à l'époque des salafs. Pourquoi les salafs, ils se sont pas divisés via al-bab? Wa fi ghayrihi wa lillahi alhamd, ibada. Les annahum, ils avaient la même source et ils avaient la même compréhension. Amma l'an, nous, à notre époque, on a la même source au Coran. Lakin l'ash'ari, il a un qawl. L'mu'tazili, il a un qawl. L'mufawwid, il a un qawl. ممثل لا قول عيادا بالله معتزل لا قول السني السلفي لا قول الحق صافي دو لا ديفيزيون. ثم tu trouves بعض الاغوياء او بعض الجهال او بعض المبتدعين يسابيل سوق اسامبلي. كيف tu vas te rassembler مع واحد il dit que Allah سبحانه وتعالى il a pas de main, il a pas de visage, او مع معتزلي il dit que Allah il a pas de صفات, Allah c'est الرحيم il a pas de رحمه, comment tu vas te rassembler مع هذا طعن في الله سبحانه وتعالى, on peut pas se rassembler مع هؤلاء. Alors là, s'ils veulent se rassembler, ils sont obligés de revenir à ce haq. C'est une faïda tayyiba. C'est le fait de ne pas laisser les textes à l'abdahir. Khassatan bab al-sifat. On est fi bab al-sifat. Amma fi bab al-fiqh il-akhiri. On a déjà expliqué. Ahiyanan, al-ulama yu'awwiloun. Yu'awwiloun. On a déjà cité des exemples qu'on ne recitera pas ici. Amma bab al-aqida, il n'y a pas de ta'wil. Limala li'anna. C'est un bab tawqifi mahab. Vu que c'est le domaine de l'invisible, enfin, on a un texte, on dit Allah il a des mains. On n'a pas de texte, on ne dit pas. Ahada. Fa'ida. Dakara Hashim ibn Uthaymin, rahimahullah fi sharhi. Qala rahimahullah, law qala qa'ilun. Aina al-ijma' min as-sahaba. Radiyallahu anhum anna al-murad. Binusus al-sifat zahiruha. Lianna. On l'a peut-être dit, et on le dit, anna hadha al-bab fihi ijma'. Et on l'a dit, as-salaf, ils étaient ala hadha. Ijma' as-sahawa radiyallahu anhum, wa man ja'a ba'dahum, min a'immat al-huda. Le khilaf, il est venu après. Le khilaf entre ahl al-haq et ahl al-batl. Amma ahl al-sunna, wa lillahi alhamd, ila yawmina hadha, ils sont ala hadha. Fali hadha as-sahih, c'est que l'asha'ara, ils font pas partie d'ahl al-sunna. C'est des mubtadi'a, des dhullal. Ahl al-sunna, ajma'ouha ala hadha. Fa Cheikh ibn Uthaymeen, qal, c'est quoi le dalil? Anna as-sahaba radiyallahu anhum, أجمعوا على هذا. Tu ne trouveras pas un nas. مثلا, un sahabi qui dit qu'on doit laisser les textes à la dhahir, ayat al-sifat. لماذا? C'était clair à leur époque. Et il n'y avait pas d'égarement via هذا الباب. Enfin, ils n'ont pas eu besoin de clarifier. La clarification, elle est venue après. خاصةً à l'époque de l'imam Nutaymiyyah, rahimahullah, quand l'Ash'a'ira, ils se sont répandus jiddan. Et ils avaient de la quwwa. Cheikh Al-Islam Taymiyyah, il a bit tafsir, il a répliqué fi at-Tadmuriyya wa ghayr at-Tadmuriyya. Ala kulli hal, Cheikh Al-Islam wa Cheikh Ibn Uthaymeen kadhalik, il rapporte ijma' as-sahaba. Lakin ma huwa ad-dalil? Qala Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, al-jawab anna sukutahum 'an tafsirha bima yukhalif dhahirha yadull 'ala ijma'ihim. Ça montre quwwa Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Déjà pour se poser la question, ça demande de la quwwa, et pour répondre il faut de la quwwa. La quwa, c'est de la force, fil ilm, un haut niveau. Il a répondu, rahimahullah, anna le fait qu'ils n'ont pas expliqué ces versets, vos sifat, comme ils ont fait l'ash'a'ira. Ah, les mains, ça veut dire la force. Il a akhri, ça veut dire qu'ils ont accepté le sens apparent et ils n'ont pas eu besoin d'expliquer. Il y en a la langue arabe, elle est claire. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il descend en langue arabe, c'est clair, c'est quoi la descente? C'est clair. Tu t'écartes de deux choses, comme Atakadam. Tu ne fais pas de tekif, comment? On ne sait pas. Et ne crois pas que c'est la descente comme la créature. Allah, il est capable de tout, il fait ce qu'il veut, Azza wa Jal. Alhamdulillah, tu seras à la aqidat al-salaf. Et ça, c'est une fa'ida azim. Anna al-salaf, al-sahaba radiyallahu anhum, wa man ja'a ba'dahum, s'ils ne sont pas rentrés dans une chose, ne rentrent pas. Tu te poses la question? Al-aja'ira yuharrifoun al-yadayn wa al-nuzul wa al-wajj, toutes les sifat, sifat al-af'al wa ghayriha, ou beaucoup de sifat plutôt, la plupart de sifat. Si tu te poses la question, c'est qui le premier qui a inventé hada? Tu verras, tu trouveras que c'est un homme, un groupe qui est venu des siècles après sahaba. On se pose la question, est-ce que sahaba ils étaient à la haqq? Non, aucun doute. Sabiqoun al-awwaloun min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Ça c'est une tazkiya min Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala radiya anhum. La shak ils étaient à la aqida sahiha. Fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw. Ça c'est un nass anna la aqida elle était sawab. Ben Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de le suivre fil iman ay fil aqida. Donc ils étaient à la haqq. Tu t'arrêtes là. Tout ce qui est venu après min tafouid wa takif wa tamthil wa tahrif, tout ça c'est batil. Ça serait haqq. Les sahaba radiyallahu anhum, et nous l'aurait montré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait enseigné. Voilà. Donc ça c'est un kalam jamil. Qal Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, id law kana lahum ra'yun yukhalif adh-dhahir la bayyanuh. لان البيان c'est wajib. C'est obligatoire. Les sahaba radiyallahu anhum bayyanu, qablahum le prophète sallallahu alayhi wa sallam bayyan. On n'a pas le droit de cacher. On n'a pas le cacher. Kadhalik, ça c'est min mushabahati al-yahoud, iyadam billah. Si ça aurait eu besoin d'une explication autre que le sens apparent, as-sahaba radiyallahu anhum, ils auraient montré. Wal-ulama, huna, ils citent Athar ibn Abbas, ma'a mujahid radiyallahu anhum, et il est connu, anna mujahidan, rahimahullah, min a'immati al-tafsir. Il fait partie des grands mufassiroun. Il fait partie de l'école d'Ibn Abbas radiyallahu anhum, et l'école de Mecca. Il y a plusieurs écoles fi tafsir, l'école d'Ibn Mas'ud, l'école d'Ibn Abbas, l'école de Ali. Ibn Abbas, il était à Mecca pendant longtemps. Et, radiyallahu anhu, il avait des élèves, wa minhum Mujahid. Il fait partie de ses plus grands élèves. Mujahid, il dit, anna, aradtu al-Qur'an ala Ibn Abbas marratayn. Et, j'ai lu le Qur'an sur Ibn Abbas deux fois, entièrement. Pas une lecture, une simple lecture. La, qala aqifu inda kulli ayah. Chaque verset, il demande à Ibn Abbas. C'est quoi ma'ana hada? C'est quoi ma'ana hada? C'est quoi ma'ana hada? Si Ibn Abbas, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a fait du'a. Et le mythal avec Ibn Abbas, il est tayyib. Min wajhayn, l'awwal annahu c'est min a'lam al-nas bi kitabillahi azza wa jal. Radiyallahu anhu, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après le khulafa al-rashidi, c'était min a'lam al-nas bi al-Qur'an. Et thani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a fait du'a. Allahumma faqihu vidin wa allimhu al-ta'wil, ay al-tafsir. Et là, on est tous d'accord que le dua du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est mustajab. Le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est exaucé. Donc Ibn Abbas, il était à l'aïn. Falimada Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Quand Mujahid, rappelez-vous, Mujahid, il l'a interrogé sur chaque verset. Fala shak, il l'a interrogé sur qawluhu azza wa jal, thumma stawa ala l'arsh. La shak, il l'a interrogé sur qawluhu azza wa jal, bal yadah mabsoutatan. Allah, il a deux mains. Allah, il a un visage. Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de son trône. Limadha Mujahid, tu laissais à quoi? Limadha, il ne cite pas l'explication de l'Asha'ira. Faman l'A'lam, c'est qui l'A'lam? Qui c'est qui a plus de haine? C'est l'Asha'ira, Ad-Dullat, ou c'est As-Sahabi al-Jalil? Il fait partie de la famille du prophète alayhi salatu salam. Stafada min al-Nabi alayhi salatu salam, wa min al-Khulafa, wa min al-Sahaba, qui était plus âgé que lui, radiyallahu anhum ajma'i. Al-Nabi salatu salam, il lui a fait du'a. Ittifaq l'Umma, annahu c'est l'Habr. البحر رضي الله تعالى عنه et tu trouves مع هذا قوم ils délaissent tout ce qu'on vient de citer les paroles d'Ibn Abbas madhhab al-salaf et ils disent là لماذا لأن pour accepter la parole d'Ibn Abbas pour accepter le manhaj d'Ibn Abbas C'est manhaj al-sahaba radiyallahu anhum. Il faut mettre la raison de côté via hadha al-bab. Ça ne veut pas dire que la raison elle accepte pas Allah. Quand on dit faut mettre de côté, c'est le Coran et le Sunna qui passent avant, et tu verras que la raison saine, elle accepte. Mais si tu mets ta raison au départ avant les textes, fa'iyadan billah, madhhab al-ash'ira, il se propagera très vite dans ton cœur. C'est ça le khulas. Le madhhab al-sahaba, ça demande, pour le suivre, ça demande un qalb qui accepte les textes. Et ça demande un qalb qui ne fait pas de tamthil. Il entend des mains, il pense aux mains des créatures. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il était avant la créature. Enfin, quand tu entends des textes sur les attributs d'Allah Azza wa Jalla, oublie la créature. C'est Allah qui a créé la créature. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'être humain avec deux mains, avec un visage. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas capable d'avoir ce sifat. Iyadam billah. Ça montre le kalam. Fait la haqiqa, tu peux faire des rodouds min wujuh. فلهذا الإمام القيم رحمه الله أحسن وأجاد dans son kitab السواعق المرسلة des ردود تتعجب très simple et il cite des dizaines et des dizaines de réponses contre هؤلاء contre الأشاعرة والله المستعان. On voulait lire la qaïda qui est basée sur qui explique, qui détaille cette deuxième règle, lakin inshallah le prochain cours. Ce qu'on vient de faire, l'explication qu'on vient de donner, c'est une introduction pour comprendre la troisième règle qui est très très importante et qui est assez longue. Inch'Allah, le prochain cours, on ne répétera pas tout. On va réviser. Kalam Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah. Et le prochain cours, Inch'Allah ta'ala, on a des bonnes bases là-haut pour comprendre la qaïda thalitha qu'on peut citer l'un dhawahir nusus al-sifat. Ma'louma lana bi'atibar wa ma'loum. Quand tu as un texte sur le sifat, tu as du ilm d'une chose et tu ignores une autre chose. Tu connais le ma'na et tu ignores le kayfiyah. On garde l'exemple des mains pour nous faciliter. Allah subhanahu wa ta'ala, il a des mains. Tu sais c'est quoi des mains, le sens? Et tu ignores le comment. Ça te montre, tu peux connaître le sens d'une chose et aslul ma'na. Ça veut dire quoi aslul ma'na? Ça veut dire que des mains, c'est des mains. Des mains, c'est pas des pieds. Les mains, c'est pas un visage. Les mains, c'est pas la force, c'est pas le rahman. Là, les mains, c'est les mains. Lakin, le comment, Allahu a'lam. Alain, si je te demande de me décrire certains animaux, certains poissons qui sont fait le bahr, on peut te citer un nom. Annahum, il y a tel poisson, tu peux pas le citer. Pourtant, c'est une créature, au bout vit à quelques kilomètres de toi, dans la mer. Tu peux pas. فَمَا بَالُكْ بِرَبِّ الْعَلَمِينَ عَزَّ وَجَلَ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Donc, le qaïda, le mouhim, nous sommes sur ce qui est ma'louma lana. Min waj. Et le ma'na est majhoula lana bi'atibarin akha. Et le kayfiyya. Cette qaïda, le mouhim. Et on répète, le ma'na, ne pas comprendre le ma'na qui est maujouda fil makhlouq. Là. Voilà. Le ma'louma, quand c'est fi haqq illahi azza wa jal. Al-ma'na, quand c'est fi haqq illahi azza wa jal, c'est une ma'loum, c'est une ma'na qui est à part, un sens qui a que Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a. Prends l'exemple pour vous expliquer aslul ma'na, ça va être utile pour la prochaine règle. Prends l'exemple de la vie. L'être humain, il a une vie, Allah, il a une vie. C'est deux sifat. Et on a vu ensemble, al-ishtirak fi Allah, ça implique pas une ressemblance. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, il a une vie. Et l'être humain, il a une vie. يُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ. Allah, il a appelé l'être humain الْحَيِّ. يُخْرِجُ الْحَيِّ. Donc l'être humain, il est qualifié de حَيِّ. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le حَيِّ, c'est le قَيُّم. Vous avez remarqué deux mêmes mots. Est-ce que ça implique que c'est pareil? On revient à قَوْلُنَا أَنَّ الْمَعْنَا أَلَى مَعْلُومَ. La vie de l'être humain, c'est quoi? La vie de l'être humain, ça commence par sa naissance. بَلْ الروح في الحقيقة lui a insufflé même avant la naissance, quand il est dans le ventre de sa mère, il est considéré comme vivant. فَلِهَذَا s'il meurt, الحقيقة, on lui donne un prénom, on l'enterre, il a akhiré. Donc l'être humain, sa vie, elle commence à partir quand l'ange lui insuffle l'âme, بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ, à partir à peu près de 4 mois, jusqu'à ce qu'il meure. La mort, c'est quoi? C'est quand l'âme, elle sort. Donc la vie de l'être humain, c'est quand il reçoit l'âme, on lui insuffle l'âme, et quand son âme, elle quitte son corps. C'est ça la vie de l'être humain. La vie d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'awwal, c'est l'akhir. Il a toujours été vivant et mourra jamais. Aslul ma'na, ça se ressemble. C'est une vie, c'est une vie. Lakin, est-ce que c'est semblable? Abadan. Est-ce que c'est identique? Abadan. La vie d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est parfaite. La vie des êtres humains, elle est parfaite. Vous avez remarqué que quand on cède avec la vie, tout le monde accepte. Même l'Ash'ira. L'Ash'ira, ils n'ont pas fait de tahrif avec la vie. Ils disent, na'am, Allah, c'est le vivant. Il meurt jamais, il est akhir. Limadha avec les autres sifat? Khassatan as-sifat al-thubutiyya as-sam'iyya al-khabariyya. Vous vous rappelez, بالنسبة لنا c'est des ajza wa ab'ad. Et al-aql, ibtida'an, il ne peut pas savoir que Allah il a cette sifat. Il est obligé d'avoir un nas. Vous avez compris, al-an, l'égarement. Amma, ba'd as-sifat, l'aql les accepte comme la vie, il a akhir. فلهذا الشعراء سنمط أنهم في الحقيقة المصدر الأساسي عندهم leur principale source c'est la raison. Si le texte il concorde avec leur raison, ils acceptent. Allah il est vivant, il est akhir. Si le texte il concorde pas avec leur raison qui a été touchée par le bid'a, il est akhir, ils déforment. Les mains ils disent là. Là, c'est pas des mains en fait, c'est pas des vraies mains. Allah il a dit des mains, mais en fait c'est la force. Pourquoi ils ont accepté pour la tribu de la vie, ils n'ont pas accepté pour la tribu des mains? Alors que le mensouf, il est wahid. Celui qui a la vie, c'est celui qui a les mains. Les mains, t'as accepté pour la vie et t'as pas accepté pour les mains. C'est la contradiction. Wallahu ta'ala a'lam. Fahadi al-qa'ida, al-thaniya, wal-thalitha, wal-rabi'a, c'est parmi les règles les plus importantes qu'on a besoin pour comprendre l'égarement de الضلال خاصة الأشاعرة ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للبروشان كور إن شاء الله تعالى on lira la troisième règle ensemble. Lisez كلام شيخ ابن عثيمين الشرح, si vous avez le الشرح خاصة la dernière نسخة. On répète أنهم ils ont rassemblé les deux شروح, أما la نسخة du frère et la نسخة que j'ai, c'est qu'un شرح audio. Il a fait plusieurs شروح, deux ou plus, et la dernière طبعا ils ont rassemblé les شروح. Ce qu'il n'a pas dit dans le premier, il l'a dit dans le deuxième درس. Dans le livre, tu as tout, c'est Anfa. Enfin, si vous pouvez lire son kalam, il cite des exemples qu'on ne peut pas nous citer ici. Et là, si on lirait Sharh Ibn Uthaymeen, ça nous prendrait beaucoup de temps. Et le muhim, c'est de comprendre l'essentiel et le maintenant. Il lève At-Talib, même si dans le cours on ne lit pas tout, At-Talib, yaqra fi bayti. Les frères qui ont la qudra. Ah, certains frères, ils n'ont pas encore la capacité, langue arabe, ils n'ont pas assez de vocabulaire. فهؤلاء الحمد لله سكون استس على رسول في عمل إفخار كمخن فيجتهدون يجتهدون أكثر سن نعمة لكم خانسيون ربما يفيدوننا بك دي فوائد كنا بال طن دو سيتي أو كون أوبلي فإن شاء الله يكون خير هذا أي هذا التعاون